Danger and cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Bonsoir, c'est Julie Mouet, la voix off de l'émission. Pour commencer cette nouvelle année calendaire, Nitrom The Metronome vous propose un hypermix de musique d'Ojin consacré à une seule artiste. Elle est japonaise, femme transgenre et bisexuelle revendiquée. Elle est militante LGBT. Voici Kamome Sano. Kamome en japonais signifie goéland, un mot qui vient du vieux breton et qui veut dire pleurer. C'est en effet l'impression que donne le chant de ce grand oiseau marin. Il est possible quand on écoute la musique de Kamome Sano qu'on ressente une douce mélancolie et le mal d'un pays dont on ne se rappelle rien. Il est possible que comme le goéland on ait envie de pleurer. Kamome Sano est membre du duo Limonen avec la chanteuse-interprète Mikanzil. Kamome Sano est parolière, multi-instrumentiste, beatmakeuse, DJ, designer et infographiste. C'est une artiste indépendante qui a remporté plusieurs concours Sonde Voltex, une série de jeux de rythme créés par Benami. Benami est une division de Konami, l'entreprise japonaise de développement et d'édition de jeux vidéo la plus importante du secteur. Kamome produit dans plusieurs genres de la musique électronique allant de la future basse en passant par la trance, l'EDM, la drumstep, l'ambiante, et même quelques poussées dans le hardcore. Pour plus d'informations sur Kamome Sano, son univers et le tracklisting de l'hypermix de ce soir, je vous encourage à lire l'article écrit par Nitrom The Metronome qui lui est consacré sur la page de l'émission sur radio-pulsar.org. Radio Pulsar. Danger and cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Kaname Sano, one artist session. Danger and cuts. Kamome Sano One Artist Session. It's the most beautiful, ugly sound in the world. My heart beats spinning around my head, not if it can call your name. Oh.

Danger and Cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Kamame Sano. One Artist Session. Choice is just mine. 弱くても初めから手にしてたフォーカー逆さまの夢の続きを君が信じて見つけるから鏡の中の迷子何度見失ったとしても目を開いたら消えそうな揺らぎを誓いを僕を再演し続けてそして幕が降りたら君を迎えに行くよそれまでは僕を変わりゆく僕を今スカイの果てまでこの歌が繋げるからたとえどんな痛みが待ち受けてよと進もうきっとスカイの果てまでこの歌は届くから抱いていた光が涙に濡れても連れてこだから目を開いて望むなら届くからもうなくさないこの姿望むまま届くから孤独じゃないよ僕らは

Danger and Cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Parce que tout a une fin. Bienvenue à la fin de l'émission. Pour plus d'infos sur Camomé Sano, rendez-vous sur la page de l'émission sur radio-pulsar.org. Avec Nitrom The Metronome, on se retrouve dans 15 jours pour un hypermix glitchcore composé du meilleur de la scène indé électronique japonaise. Passez une bonne soirée et une bonne double semaine. Bye. Bisous à tous. Danger and Cuts. Out. どちらが重いの